Chapitre 18e et dernier, le médaillon. Le soir même, la flotte anglaise quitta la baie, chassée à pleine voile par tous les corsaires de Saint-Malo. Portée en triomphe en même temps que sa fille par ceux qui avaient failli les massacrer, le pilote Bernard reçut du roi des lettres de noblesse et de ses concitoyens un compas d'honneur avec le commandement des gardes-côtes. Un mois après, effectuant l'échange si désiré, Luc prit ses grades à Caen à la place de son frère, puis il devint l'heureux époux de Marie-Ange Bernard, et il alla occuper le consulat de Malgue en Espagne. Et Madame de la Bourdonnais et l'Indienne, animées par leur double souvenir qu'une étrange passion mêlait dans son cœur, René Duguay-Trouin se couvrit de gloire sur toutes les mers. En moins de 2 ans, il emba plus de 30 vaisseaux à l'Angleterre et à la Hollande. Il devint l'orgueil de son pays, l'admiration de ses ribauds et la terreur des ennemis de la France. À chaque victoire, une lettre de l'ange gardien lui disait « Courage, je vous admire comme je vous aime. Vous touchez au terme de vos épreuves. » Prisonnier des Anglais à Plymouth, il fut miraculeusement délivré par une jolie marchande qui séduisit l'officier chargé de sa garde. Encore un chef-d'œuvre de l'inconnu qui trouvait partout des agents de sa volonté. Cependant, René attendait toujours cette récompense royale, dont une récompense plus douce devait être la suite. « Quand vous serez capitaine des vaisseaux du roi ?» se répétait-il en couvant des yeux le médaillon qui renfermait le secret de son destin. Il l'avait porté religieusement depuis le bal masqué, attaché sur son cœur à la chaîne d'or de Madame de la Bourdonnais. Un jour enfin, qu'il était à Saint-Malo, convalescent d'une blessure, son frère Luc, le seul confident de ses espérances, entra dans sa chambre avec Marie-Ange et un enfant joli comme l'amour. René, qui les croyait amalgues, se jeta tout étonné dans leurs bras. « Nous te surprenons à notre tour, » dit le consul. « Nous arrivons d'Espagne, comme tu revenais autrefois de l'université. J'ai traversé Paris, frère. J'ai vu Louis XIV à Versailles. Voilà ce qu'il m'a chargé de te remettre. » Duguay ouvrit une longue caisse dorée, portant le soleil du grand roi, et trouva une magnifique épée enveloppée dans un brevet de capitaine de vaisseau. « Enfin, enfin !» s'écria-t-il radieux, les mains levées au ciel, et tirant le médaillon de sa poitrine, il en fit sauter le couvercle d'or. Il poussa en même temps une exclamation de surprise, de joie et de délire. C'était le portrait de Madame de la Bourdonnais. Ainsi, la comtesse et l'Indienne ne faisaient qu'un. Mais comment expliquer cette charmante énigme ? Tu en trouveras sans doute le mot, reprit Luc, dans cette lettre que Madame de la Bourdonnais m'a confiée pour toi. René lut à travers ses larmes d'une voix étouffée par l'émotion. Paris, 8 janvier 1692. Ma vie vous appartient depuis que vous l'avez sauvée à Dinard, mais je n'ai pas voulu vous la donner comme une faveur aux yeux du monde. Je vous ai étudié doublement au bal de votre père, d'abord en feignant de ne pas vous reconnaître, puis en me cachant sous un costume indien quand vous me croyiez parti pour mes terres. Je vous ai ouvert le chemin de la gloire et vous l'ai désigné pour but. Vous l'avez atteint et dépassé. C'est à vous maintenant de m'élever à vous. Je vous attends. Gabriel. Un quart d'heure après, Duguay-Trouin volait à Paris. Mais tant de bonheur devait avoir un horrible réveil. Le futur époux de Madame la Bourdonnais la trouva mourante d'une fluxion de poitrine. « Ne me plaignez pas, » lui dit-elle à son dernier soupir. « J'ai gagné cette maladie en allant demander au roi votre brevet de capitaine de vaisseau. » Sa Majesté a daigné me faire monter dans son carrosse. Toutes les portières étaient ouvertes. Le froid m'a saisi au cœur et je meurs pour vous. Si je n'ai pu vous donner la femme qui vous aimait le mieux, j'ai du moins donné à la France un de ses plus grands hommes. Jurez-moi, ajouta-t-elle en souriant encore, de vivre pour mon souvenir et de n'épouser que la mère, comme le doge de Venise. Le baiser de l'éternel adieu fut le sceau de ce serment. Duguay-Trouin le tint sans rire jusqu'à sa mort. On sait quelles immortelles victoires furent les dignes filles de son mariage avec la mère. Il les couronna par la prise de Rio de Janeiro, la plus brillante et la plus riche conquête de la marine française. Une vie noblement exemplaire expia les égarements de sa première jeunesse. Enfin il mourut, chargé de vertu et d'honneur, lieutenant général des armées navales, commandeur de l'ordre royal de Saint-Louis, membre du conseil royal de l'amirauté, du conseil de la Compagnie des Indes, etc. Laissant à la France un des noms les plus glorieux et peut-être le plus pur du grand siècle de Louis XIV. Ainsi s'achève La robe et l'épée ou la jeunesse de Duguay-Trouin par Pitre Chevalier.